طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. طيب أخذنا درس في الضمائر. طيب الضمير المتصل عندك مهدية. الضمير كنايتي جي سي كو متصل. نعم متصل. ان اكزامبل مثلا بيته. طيب on l'utilise pour quoi ici؟ pour la sur l'appartement sa maison. لا لا بيته. C'est quoi ça dire le profit d'utiliser un damir؟ pourquoi on utilise un pronom un damir؟ صبر raccourcir la phrase. نعم c'est-à-dire le fait de par exemple je dis أين زيدون je dis quoi زيدون في بيته. Je ne dirais pas Zaydoun ou fi l'beit. Le Zamir, où c'est pour qui? En araba, si tu peux le dire. Mufrad. Muzakar. Également. Raib. La part Raib. Raib. Raib. Barakallahu fik. Ou al-Mufrad, al-Mu'annath, al-Raib. Ha. Mithal. بيتها. طيب تخبير بارك الله فيك. هل هناك une différence entre dire le fait de dire كتاب زيدين et le fait de dire en parlant de Zayd هذا كتابه؟ non dans toute chose. sauf qu'il va prendre le حركة المدافعية. très bien. ça veut dire quoi que tu dises كتابه أو كتاب زيدين من ناحية الإعراب هو سواء. au niveau de l'analyse grammaticale, ce sera la même chose. Hein? par exemple, tu dis هذا كتاب زيدين, هذا on dira مبتدا, كتاب مضاف, وزيدين مضاف إليه. طيب, on sait que le مضاف إليه quel travail il fait. il y a jour l'اسم الذي بعده. vous suivez ça? hein? mais si je dis par exemple هذا كتابه, le ضمير ici il est quoi? il est مضاف إليه. et comme il a bien répondu le frère, mashallah, il a dit quoi? il est مضاف إليه. mais comme on a dit quoi? C'est quoi le but? Pourquoi on ne peut pas faire apparaître la terminaison? Al-Jar. Yano Mabni. Al-Dhamahir Mabni. C'est quoi ton prénom? Brahim. Taïb. Tu as fait un petit peu ces deux là? Dhamir, un petit peu Moubtada. Taïb, Inch'Allah. Moudaf, Moudafil, tu l'as fait? Taïb. Vous avez compris? Le frère Daoud, il a bien répondu. Le fait qu'on ne dit pas par exemple Kitabu Hi comme ça. Ou kitabu ha, c'est-à-dire le fait de faire apparaître la kitabu hi, parce qu'on a dit quoi? Al-Dhamahir, les pronoms sont quoi? Mabni, même ana mabni, indéclinable, c'est-à-dire ça ne change pas, c'est-à-dire il est dans une place. Mets-toi comme ça. Taïb, c'est bien compris ça? Tout le monde a compris? Taïb, comment. من علامات الضمير المتصل عندي سين دو ضمير متصل سي كوا سي كو جو جي دوني ان سين كي بيرميترا دو سافوار سي كوا ان ضمير متصل ان ضمير منفصل المنفصل ان شاء الله اون ليتيديرا بلو تار مي المتصل سي كو سي ان سول مو سي ان فراز تو لي شيكي كوم سا سي ان سول مو تتنرجيس نو Ouais, j'ai enregistré. T'avais pas évité. Et toi, Mohamed? J'ai pas les piles. Taïb. Mais t'as des frères. Tu peux réviser, tu demandes. Je pourrais réviser. Abdelkarim. C'est pas qu'il est attaché au bout. C'est ça, Damir Moutassel. C'est qu'il est attaché. Mais c'est comment on peut le reconnaître? C'est pas qu'il se rapporte de. Non, non. C'est pas un deck. Attaché à la fin du monde. Taïb, il est attaché. Le mot muttasil, c'est-à-dire quoi? Attaché. Attaché. Munfasil, c'est-à-dire quoi? Détaché. Andek. Andek, Ayman. La question, je vous ai ramené une alama qui vous permettra de savoir que ça c'est muttasil et ça c'est munfasil. Ils ont donné une ta'arif. Ma wa dhamir al-muttasil. Je vous ai donné la signification du dhamir al-muttasil et du dhamir al-munfasil. Vous vous souvenez? Est-ce qu'on peut dire kitabu et plus loin où?